C'est pas mal aussi. Et le fromage, on le gardait tout l'hiver, les tomes? Comment on faisait? Non. En hiver, on ne mangeait pas de fromage. On en faisait pour sa provision, mais c'était pas beaucoup pour vendre. Hein. Ouais. Mais ça se garde mal, les tomes, en hiver? Ah ben si, elles sont bien séchées. On les séchait bien? Et puis après, vous les préparez, vous préparez le fromage. Hein. On ne les mettait pas dans l'alcool un peu? Vous faisiez pas un peu la cachaille? Alors là, c'était le lait déjà qu'on faisait. Et quand il faisait cette cachaille, vous dites là, c'était le lait. Expliquez-moi, parce que là, je connais pas comment vous faisiez là. Alors. Parce que vous en avez mangé? Oui, mais pas comme vous dites. Ah bon, mais ou alors ils écrasaient des fois une tonne. Oui. Et puis alors ils le mettaient, puis après ils du lait bouilli et ils tournaient, ça. Ah du bon? Du sel, du poivre, et oui. Ils tournaient, puis ça s'épaississait, c'est ça. Et avec de l'alcool? Ah non, jamais d'alcool, moi je n'ai jamais vu. Ah, c'était pas de... Ou alors à moins qu'ils y en mettent, je sais pas moi je n'ai jamais vu. Et c'était ça que vous appeliez la cachaille? Oui. Ah, je n'ai jamais mangé parce que j'aime pas le fromage. Il y a d'autres endroits où on mettait le fromage dans de l'alcool et même avec un peu de poivre. Ah oui, puis, ça puis on en met toujours un peu de poivre. Un peu de poivre, bien sûr. Mais pas d'alcool, ou alors? Mais moi, je n'ai jamais vu. Mais alors, vous le mangez frais, ça ne se gardait pas, ça? Quand si, ces tomes que vous faisiez, on les laissait sécher, et après, l'hiver, on les préparait avec, pour le fromage. Alors, il y en a qui le mettaient dans du raisin, là, quand ils ont enlevé le vin. Oui. Et, ou alors dans la courge, où chacun les préparait un peu à sa façon, dans des herbes. Dans la courge? Oui, dans la courge. Ah, ça, c'est courge rouge, c'est ça, et puis... Ça se faisait là-dedans. J'ai jamais vu, c'est-à-dire la tome, on la faisait sécher dans la courge? Sécher, quand elle était sèche, on la faisait ramollir dans la courge, ça fermentait comme ça, là, c'est ça qui faisait le fromage. Okay. Ou alors il y en a que c'était dans des herbes. C'est de la peau de courge ou de la courge entière? Ah, ben, la courge. Dans la courge entière, on la mettait? On coupait ça en morceaux. Ou alors quand on a enlevé le raisin, dans l'arrache, on a posé, quand on avait tiré le vin, oui. Et bien il y en a qui le préparaient là-dedans. Oui, ça d'accord. Ça dépend, il y en a d'autres qui c'était des plantes suivant le parfum qui vous le donnez. Ah bah alors la sarriette, ça, je voilà, connais bien. Voilà, la sarriette, c'est ça, pareil. Je le fais comme ça, moi, quand j'achète des tomates. Voilà. Bon, c'est quoi tout le monde fait, la sarriette? La sarriette, mais chacun son goût. Ah bah non, c'était les feuilles de voilà. Châtaignier. Oui, voilà, bah non, il y en a un ça. Peu dans la vallée du Jambon autour de Saint-Vincent, des feuilles de châtaignier. Il y en a un peu qui le font comme ça. Ah oui, mais les renommés sont... Oui, chacun. Ah mais la courge, ça, j'avais jamais entendu dire. Si, c'était bon aussi. J'ai serré. La courge, la rouge. Oui. Mais de la courge fraîche, donc, on met la tome quand elle est déjà un peu dure. Ah ben oui, voilà, et puis alors elle sera mollie là-dedans. Si, comme vous le faites dans l'arrache du raisin. En hiver, quoi. Ah oui, c'est en hiver, C'est quand on a de la tome sèche et qu'on veut la ramollir. C'est ça. Mais l'été, on le fait guère parce que ça se garde pas tellement. Et on la laisse plusieurs jours dans la courge, comme ça? Ah ben oui, il faut qu'elle se ramollisse, la tome. Il faut qu'elle se ramollisse là-dedans. J'ai serré, tiens. Parce que ça... Vous apprenez des recettes. Ça, j'ai pas vu, alors. Je vous donne des recettes. Ça, je connais pas. Ah, moi, j'y restais. J'ai parti de la maison quand j'avais 30 ans. J'ai parti de là-haut. Et puis alors, j'ai resté 18 mois mariée. Après, il y a eu la guerre. Mon mari est parti pour la guerre. Il a été prisonnier. Et après, moi, quand il est parti, moi, je suis repartie à Saint-Martin chez mon père. À Saint-Martin. Parce que mon frère aussi était parti. Et il était aussi prisonnier. Alors, j'ai passé toute la guerre avec mon père là-haut à Saint-Martin. Et nous avons travaillé la campagne.